Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin. Bienvenue à Econophile. C'est notre dernière émission de l'année. Vous êtes sans doute déjà pas mal dans l'atmosphère de Noël. Noël, la fête de l'amour, du partage, de la facture sans prix pour qu'on puisse retourner le cadeau, la fête du magasinage en ligne et en fil, la fête du gros monsieur à la fausse barbe auquel les enfants croient encore par je ne sais quel miracle en cette ère de désabusement total. Mais c'est aussi la fête où on rattrape un peu les affaires en cumulant des points famille pour savoir qui est rendu où, ce qui se passe de beau. Le plus jeune, il fait quoi, là? Ou grand-maman a mal où? Ça va chialer contre les politiciens. Et quand ce sera le temps de voter, ben on restera tranquille à la maison à profiter de la nouvelle Xbox. C'est féerique le temps des fêtes. Alors d'ici là, une dernière émission d'Econophile en 2016. On passera cette dernière heure à parler des livres que je vous ai présentés cet automne pour vous donner des idées de magasinage de dernière minute. Alors c'est le fun, un livre, hein? Ça coûte pas cher et ça vaut cher. Ça fait plaisir à l'être cher et c'est bon pour le cerveau. Bienvenue à Econophile. Good evening, ladies and gentlemen. It's truly a real honorable experience to be here this evening. A very wonderful and warm and emotional moment for all of us. And I'd like to sing a song for all of you. It's Christmas in heaven, all the children sing. It's Christmas in heaven, hark, hark, both church bells ring. It's Christmas in heaven, the snow falls from the sky. But it's nice and warm and everyone looks smart and wears a tie. Oh que oui, Econophile s'offre gratuitement le cadeau d'une présence sur les internets, sur Facebook, incluant un blog. Alors allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre, savoir ce qui se passe, pour lire des compléments, lire des articles intéressants aussi. Alors, facebook.com/econophile891. Et puis, vous trouvez le blog de l'émission sous le bandeau où c'est écrit « En savoir davantage ». Vous cliquez, puis hop, vous vous retrouvez sur le blog. Vous y trouvez la balado qui donne accès aux trois dernières émissions et ainsi que, oui, la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section « Émissions ». Alors, vous pouvez écouter, réécouter quand bon vous semble, faire écouter à la parenté, les amis, la famille pendant le temps des fêtes. Et puis, toujours sur le blog, vous pouvez lire des textes inspirés des livres que nous vous présentons, incluant une référence du livre en question. Mais je vous dirais que commander en ligne aujourd'hui, c'est peut-être pas une bonne idée. Hein, pour avoir votre livre à temps, mieux vaut aller en librairie, là, vraiment. Donc, cette semaine, c'est une émission spéciale, ça s'entend un peu d'ailleurs, une heure à revenir sur nos livres présentés cet automne, un genre de best-of, mais pour vous donner des idées d'achat. Vous avez écouté cet automne, vous n'êtes pas sûr du bon livre peut-être à choisir parmi les 14 que nous avons présentés. Vous n'avez pas écouté beaucoup, c'est l'occasion de vous reprendre. Sans oublier que oui, hein, toutes les émissions sont disponibles. C'est faisable de le faire n'importe quand. Donc, je passerai pas tous les livres un par un, bien entendu. Là, c'est pas ça l'objectif. Mais je vais surtout les résumer en insistant sur certains critères, comme par exemple lequel est le plus court, si vous n'avez pas beaucoup de temps, ou ça peut être un critère, ou encore lequel est le plus long. C'est pas pour quelqu'un qui vient d'être condamné à la prison à vie, mettons, il y a du temps en masse devant lui, hein. Et lequel nous permet de nous initier à l'économie. Ah, question plus sérieuse, lequel parle d'inégalité, lequel est plus philosophique peut-être, ou encore lequel je voudrais jamais relire. C'est des questions importantes. Je répondrai à ça et plus encore au cours de la prochaine heure. Alors, bonne émission. Just hear those sleigh bells jingling, ring-ting-tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Ah, Noël, une fête commerciale, ai-je dénoncé en ouverture, hein? C'est si peu. Mais en même temps, ça nous fait sourire parce qu'on le sait, hein? C'est évident, comme disait l'autre, là, chez qui on oublie des documents secrets. Et un article amusant et intéressant avait été publié dans la presse le 9 décembre 2008, un article au titre « Noël, une fête commerciale depuis toujours au Québec ». Ah, tiens donc, hein? La journaliste Sylvia Galipeau écrivait ceci. Ça y est, c'est le moment ou jamais. Excite l'hyper-commercialisation de Noël. Retrouvons l'essence de la fête et célébrons comme le faisaient nos grands-mères en famille, dans la joie, le partage et l'allégresse. Erreur. Au Québec, croyez-le ou non, Noël a toujours été une affaire commerciale. Toujours? Au bout du fil, le sociologue se bidonne. Si, mademoiselle la journaliste, croyez-moi, c'est très drôle. Voyez-vous, en feuilletant les journaux de la fin du 19e et du début du 20e siècle, Jean-Philippe Warren a trouvé des formules du genre « le traditionnel shopping des fêtes ». Ça, c'était en 1904. Il faudrait fêter davantage en famille. Éviter de succomber à la frénésie des achats. Tout juste si on ne dénonce pas déjà les bébelles « made in China ». On n'a jamais dénaturé Noël parce que Noël a toujours été une fête commerciale au Québec, résume le sociologue et auteur d'une thèse pour le moins osée, le qualificatif est de lui, qu'il développe dans l'essai « Hourra pour Santa Claus » publié chez Boréal en 2006. En gros, sa théorie est la suivante. Jadis au Québec, dans la société victorienne, c'est le jour de l'an qui était la grande fête de l'hiver. Le 25 décembre et la naissance du petit Jésus étant une fête nettement plus marginale. Pour faire mousser leurs affaires, rappelez-vous, nous sommes dans une société puritaine, par définition peu dépensière, les marchands décident de vendre l'idée d'une journée dans l'année où il serait de bon ton de consommer, avançant qu'il s'agirait d'un geste généreux, quasi altruiste. Et, ironie du sort, l'Église a encouragé ceux-ci dans leur manœuvre, histoire d'enlever la vedette au Nouvel An, une fête païenne. Petit à petit, le 25 décembre s'est ainsi imposé avec son gros bonhomme rouge, ses guirlandes et son défilé, qui, à Montréal, date de 1925. Vous voyez donc, hein, c'est l'histoire de déloger la fête du jour de l'an. Alors, quand on lui demande si cette année en pleine incertitude économique, on avait ça en 2008, tiens donc, s'il ne serait pas temps de puiser dans les discours de nos grands-mères, pensées simplicité volontaire, histoire de renouer avec une certaine essence de Noël, non, le sociologue n'y croit pas. Malheureusement, ces discours de simplicité volontaire ne datent pas d'hier, reprend M. Warren. Dès la fin du 20e siècle, des familles dénonçaient déjà cette hyperconsommation, et toujours le mouvement est demeuré marginal. Et puis, l'article se termine par une observation intéressante à propos de l'effet de la grisaille économique dans nos vies. Parce qu'on est encore, voyez-vous, dans une période économique d'incertitude, hein, c'est pas facile. Justement, ça a l'air qu'être en difficulté, là, c'est bon pour la santé. Le journaliste écrit. Une bonne nouvelle pour finir. Un économiste de l'Université de Caroline du Nord, Greensboro, a fait la surprenante découverte suivante. Il semblerait que pendant les ralentissements économiques, contre toute attente, les gens auraient tendance à se porter mieux physiquement. Selon les études de Christopher Rum, plusieurs facteurs seraient ici en jeu. Côté environnemental, les gens réduisant leurs déplacements, il y aurait moins de pollution dans l'air. Et puis, comme les gens travaillent moins, ils auraient davantage de temps pour faire de l'exercice. Bien sûr, on sait que la santé mentale en prend un coup en temps de crise, mais surprise, la malbouffe aussi. Les gens ayant moins d'argent, ils auraient aussi tendance à moins sortir au restaurant, donc à mieux manger et moins boire aussi. Qu'est-ce que tout cela pourrait bien signifier pour nos fêtes? Peut-être que pendant cette période, cela veut dire que les familles vont moins se déplacer, rester près de la maison et finalement être plus en santé, spécule l'économiste. Hein? Ben oui. Alors comme quoi, alors il faut en conclure que les pauvres sont plus en santé que les riches. Voilà, faut pas pousser non plus. Mais un cycliste qui n'a pas les moyens de s'acheter une voiture, sans aucun doute, oui. Donc, suggestion de cadeau de Noël de dernière minute, je commence par un livre que j'ai lu, mais que je n'ai pas encore présenté ici. Ah, tiens, non, hein, comique. Ben oui, pourquoi pas. Oui, parce que j'ai reçu quand même des courriels de gens qui m'ont demandé quel livre permet de s'initier à l'économie, mais simplement. Alors, pas un livre universitaire théorique plate, là. Non. Un livre qui permet vraiment de se familiariser avec la matière pour mieux comprendre par la suite. Ben oui, et ce livre, ben je vous le présenterai après les fêtes, en 2017, c'est le livre écrit par Jim Stanford. Ça s'appelle « Petit cours d'autodéfense en économie ». Peut-être l'avez-vous déjà remarqué en passant dans une librairie avec sa couverture toute verte. En fait, Stanford est un économiste canadien progressiste. On a appris dans cette émission. Enfin, il y en a de plus en plus. On sait que ça existe, un économiste progressiste. Il écrit notamment dans le Globe and Mail, il est près des mouvements syndicaux et il est très, très, très intéressant à lire, même s'il parle d'économie, hein, je vous le dis. Je vais mettre d'ailleurs la référence sur le blog, mais pour vous donner une idée, juste le résumé du livre. Qu'est-ce que la dette publique? D'où vient l'inflation? Le profit est-il source de progrès? Le chômage est-il un mal nécessaire? L'État nuit-il à l'investissement? Mystérieuse et confuse, l'économie est trop souvent mise hors de la portée du citoyen ordinaire qui n'en fait pas moins les frais de ses crises. Seuls les experts semblent autorisés à répondre à des questions dont dépend pourtant l'avenir de tous. Cette nouvelle édition du Petit cours d'autodéfense en économie arrive à point nommé pour rompre ce déséquilibre. Entièrement mis à jour, bonifié d'une solide réflexion sur les inégalités, l'ouvrage offre des synthèses claires et simples appuyées sur l'analyse de situations concrètes. Stanford montre ici que dès qu'on a démystifié les rouages du capitalisme, tous peuvent le comprendre. Et c'est vrai. C'est pas juste du charabia publicitaire, c'est vrai. C'est un bon bouquin pour faire ça. Ça se lit pas en 3 heures quand même, mais c'est accessible tout à fait. Et on vous prend par la main pour vous amener dans l'univers économique. Et à la fin, force est d'admettre qu'on comprend mieux. Dans l'avant-propos du livre, Stanford écrit ceci. À quoi bon étudier l'économie? Et le titre est « Ne faites jamais confiance à un économiste ». La plupart des gens considèrent que l'économie est un domaine technique, hermétique, voire mystérieux, et qu'il vaut mieux le laisser aux bons soins des experts que sont les économistes. Pourtant, l'économie est une réalité à la portée de tous. Pour l'essentiel, c'est la manière dont on travaille, c'est ce qu'on produit, c'est la façon dont on assure la distribution de ces produits, puis c'est l'usage qu'on fait de ces choses. Si l'on s'en tient à ces notions élémentaires de la vie de tous les jours, tout le monde possède un minimum de connaissances en matière d'économie. Aussi, tout le monde devrait avoir son mot à dire sur la question. Cela est d'autant plus vrai qu'étant un domaine où les gens interagissent, coopèrent ou entrent en conflit, l'économie constitue avant tout un phénomène social. Même Robinson Crusoe ne travaillait pas seul, vendredi n'était jamais bien loin. Elle ne peut être réduite à des forces matérielles abstraites comme la technologie ou la productivité. Elle est aussi le fruit des rapports entre les gens dans la société. Il n'est donc pas nécessaire d'être un économiste pour en savoir long sur l'économie. Tout le monde en fait l'expérience. Tout le monde y contribue d'une manière ou d'une autre. Tout le monde est concerné par son fonctionnement, sa vigueur et les intérêts qu'elle sert. Chacun d'entre nous a une bonne idée de la place qu'il occupe dans le portrait d'ensemble de l'économie, par rapport aux autres, par rapport au passé ou par rapport à nos attentes. Voilà ce à quoi la science économique devrait nous intéresser. Alors voilà, j'espère que ça, pour vous donner le goût, hein, ça s'appelle « Petit cours d'autodéfense en économie ». C'est publié chez Lux, mais c'est pas un luxe. Cette année, on a traité largement d'économie, on a parlé du langage économique, du capitalisme, de ses effets, d'inégalité. On a parlé de l'économie triomphante qui guide tout, qui décide de tout. Une économie qui pollue sans se soucier des conséquences. Et on a aussi parlé des solutions, pas juste de ce qui va mal, parler de ce qu'on peut faire aussi, changer les pratiques, les lois fiscales, changer l'approche. Penser pour l'humain, mettre l'économie au service des humains et non l'inverse. Et dans les livres présentés cet automne, s'il y en a un qui met la table, c'est bien celui d'Albert Jacquard, « J'accuse l'économie triomphante », hein, un titre clair encore. Évidemment, Jacquard, c'est pas un économiste, et justement, c'est bien parce que c'est pas un sujet réservé uniquement aux experts, comme on l'a dit un peu plus tôt, hein, c'est au contraire, il faut sortir du carcan, il faut rendre l'économie accessible. Et dans son livre, donc, Jacquard dénonce les économistes, il parle des nouveaux gourous qui apportent la vérité, les économistes brandissant une table qui ne contient qu'une loi, la loi du marché. L'histoire nous apprend combien les intégrismes sont lourds de catastrophes. L'intégrisme économique, l'économisme, n'est-il pas le pire de tous? On est bien d'accord. D'ailleurs, Jacquard considère que l'humanité est devenue folle, qu'elle fonce droit dans le mur. Il donne notamment l'exemple de la population grandissante et de la production qui ne pourra pas satisfaire les besoins, oui, de tout le monde. Si nos besoins restent les mêmes, bien entendu, c'était ça l'essentiel de son discours. Et Jacquard nous parle de l'argent qui est roi, du marché qui fait la loi et de l'humain qui, lui, disparaît derrière. Alors, il écrit ceci. L'erreur fondamentale de l'économisme est de réduire les activités humaines à la production et à la consommation des biens capables de satisfaire les besoins de notre organisme et de lui procurer du plaisir. Jamais il n'est tenu compte des autres besoins, ceux dont dépend le bonheur. On ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance, disaient les murs du Quartier Latin en 1968. Alors j'accuse l'économie triomphante, de feu d'ailleurs, oui, hein, de feu Albert Jacquard, un livre qui parle d'économie avec philosophie, humanité et beaucoup de sagesse. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Yes, he's on his way. Alors, ce qui caractérise l'économie néolibérale, l'économie actuelle, son plus grave problème, en dehors de sa propre structure, c'est l'inégalité. Hein? Ça, c'est sans aucun doute. Et il y a de nombreux livres qui parlent d'inégalité. Je vais vous en présenter d'ailleurs certains dans les prochains mois, ça c'est sûr. Pour vraiment faire le tour de la question, avoir des données, des analyses... des idées aussi, dans un langage encore compréhensible, je pense bien, très humain aussi, je vous conseille « Le prix de l'inégalité » de l'inégalable Joseph Stiglitz. Ce bouquin-là, évidemment, est plus volumineux, là, ça se lit pas en quelques heures, ça prend du temps, ça c'est sûr, mais c'est un survol complet, beaucoup d'angles pour démontrer les méfaits de l'inégalité. Pour Stiglitz, le système est déréglé, il est inefficace et injuste, et partout, hein. Pour lui, l'inégalité se voit dans toutes les grandes décisions qui sont prises, et ça, il fait le tour de ça dans son livre. Donc, ça nous affecte directement dans toutes les grandes décisions, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, hein, le budget, la politique monétaire, et même le système judiciaire reflète notre inégalité, la perpétue et l'aggrave, c'est ce qu'il écrit. Il parle bien entendu du fameux 1%, oh oui, ça c'est sûr, ce 1% de la population très trop riche qui détient plus de la moitié de la richesse planétaire, hein. C'est fou, c'est complètement fou. Et Stiglitz nous donne des statistiques qui virent à l'envers, vraiment, là. Certains PDG qui gagnent 243 fois le salaire de leurs employés. L'inégalité, ça fait mal, elle atteint l'éducation, la santé, touche les familles, des populations entières, et ça fait mal à l'économie parce que ce qu'il nous dit, hein, l'économiste prix Nobel dit, hein, l'inégalité, ça freine la croissance et ça crée de l'instabilité économique. C'est payant pour ceux qui en profitent, mais pas de manière générale. Et l'économiste Stiglitz nous dit que l'État a un rôle à jouer, effectivement, qui est fondamental là-dedans. Il dit... Même si des forces de marché ont contribué à modeler l'inégalité, c'est la politique de l'État qui modèle ces forces de marché. L'inégalité actuelle résulte largement de la stratégie des pouvoirs publics, de ce qu'ils font et de ce qu'ils ne font pas. L'État a le pouvoir de déplacer l'argent du haut vers le bas et vers le milieu ou vice-versa. Donc, la redistribution de la richesse, ça passe par l'action de l'État, par les lois, par les contraintes, hein, finalement. Et... c'est un livre fort intéressant, un peu déprimant par segment, ça c'est sûr, mais on regarde la réalité en pleine face et ça confirme des idées, des impressions qui donnent une tonne d'arguments.

fort aiguisé, hein, vraiment bien écrit. Et ça prend ça pour comprendre, et surtout après, pour avoir conscience de ce qui se passe et de ce qu'on peut faire aussi. Donc, une escroquerie légalisée précise sur les paradis fiscaux d'Alain Deneau, c'est chez Éco-Société. A merry little Christmas. C'est l'émission Éconophile qui se poursuit au 89.1 avec David Lemelin au micro. Dans cette émission toute spéciale pour vous faire des suggestions pour cadeaux, hein, un livre, pourquoi pas. Donc les riches, parlons des riches. Oui, on s'est amusé à leur taper dessus un petit peu, hein, pour toutes sortes de raisons. Surtout parce que c'est pas supposé se faire, on fait pas ça, hein. C'est tellement 1968 de faire ça, hein. Mais attention, on parle pas de l'entrepreneur ou du petit patron ou de celles et ceux qui finissent par se payer une BM à force d'efforts et de courage. Là, c'est vraiment pas de ça dont il est question. On parle de en haut, là, tout en haut, là, ceux qui manipulent les chiffres, qui jouent avec les flux de capitaux, qui cachent, qui dissimulent, ceux qui peuvent rayer d'un trait de plume la vie de milliers de travailleurs sans broncher, ce qu'on appelle le fameux 1%, ceux qui détiennent la moitié de la richesse planétaire et qui ne font pas leur part. Alors, c'est eux qui m'intéressent plus particulièrement. J'ai présenté notamment deux livres qui abordaient les méfaits de la richesse exagérée. Il y avait celui de Roméo Bouchard, « Survivre à l'offensive des riches », et puis aussi, plus récemment, « Comment les riches détruisent la planète » d'Hervé Kempf. Alors, ces deux-là, dans un cas comme dans l'autre, on fait une bonne énumération de ces méfaits. Roméo Bouchard a l'avantage d'être très ancré au Québec, donc on se reconnaît, mais complètement dans cet ouvrage. Son livre est très facile à lire, parle beaucoup de l'agriculture aussi, de l'environnement, des questions qu'on a tendance à oublier. Et pour lui, la consommation, donc le consumérisme, c'est le problème central. Il écrit « Nous sommes pris au piège d'une société de production et de consommation compulsive qui se referme sur nous et nous étreint mortellement. » Et le productivisme, ben c'est pour servir les intérêts de ceux qui détiennent le capital. Et ceux qui détiennent le capital ont beaucoup, beaucoup de pouvoir au détriment de la démocratie. Il dit « Nos démocraties représentatives sont devenues des plutocraties contrôlées par une aristocratie bancaire et industrielle. » Je l'avais rencontré d'ailleurs, Roméo Bouchard. C'est un homme qui lançait un cri d'alarme, qui avait l'air presque à bout, là. Il faut le dire fortement. Son livre est une dénonciation tout le long. C'est une fièvre, vraiment, là. C'était passionnant. Et puis, dans « Comment les riches détruisent la planète », écrit par le français Hervé Kempf, plus international, évidemment, pour les exemples, l'intérêt particulier du livre, c'est que il présente l'écologie comme étant liée intimement à la crise sociale, hein. L'écologie comme étant liée à l'économie. Et il dit en somme qu'on pourra pas longtemps faire semblant que l'écologie, tu sais, c'est secondaire, parle-moi pas de ça. Non, c'est prioritaire, c'est ce qu'il dit clairement. Il dénonce par conséquent le train de vie, oui, la surconsommation et le mauvais exemple de ces riches qui gaspillent, qui forcent la surproduction pour quoi au fond, ben satisfaire leur besoin d'impressionner le voisin, hein. Il sert de ça de l'économiste Veblen pour en parler, montrer son rang social, hein, le rang social qu'on occupe, faut le démontrer. L'économie est dominée par un principe, la tendance à rivaliser, à se comparer à autrui pour le rabaisser. Et puis l'auteur nous dit aussi que, en parlant justement de Veblen, que les besoins ne sont pas infinis et que la production est suffisante. C'est des choses qu'on entend peu ou pas, ça. Ce sont les excès qui nous poussent à croire que la croissance est la solution. Mais non, pas vraiment. Donc, « Survivre à l'offensive des riches » de Roméo Bouchard, « Made in Québec », donc. Ou encore « Comment les riches détruisent la planète » d'Hervé Kempf, « Made in France ». C'est au choix. Donc, Kempf est un peu moins lourd, je dirais, dans la dénonciation, dans le sens où il prend plaisir, d'ailleurs, il raconte des histoires. Roméo Bouchard, c'est plus sombre, c'est plus inquiétant, mais c'est vraiment un grand cri du cœur. Et c'est un constat lucide de ce que l'on vit. Alors, je règle pas votre problème en choisissant pas, mais ferai pile ou face au pire, là, c'est possible. Mmh. Vous êtes convaincu que l'austérité, c'est de la boîte? Eh bien, oui, oui, c'est un fait. Et pour étoffer l'affaire, je vous conseille vivement le livre de Yannick Marcil et sa bande, 11 brefs essais contre l'austérité. D'abord, moi, j'ai appris à connaître Yannick Marcil. Je parle personnellement, je le connaissais avant, mais je me suis rendu compte qu'on avait les mêmes champs d'intérêt, d'ailleurs. Plutôt drôle. Le même héritage aussi. Il a été très touché par la mort... très touché. Il l'a souligné sur Facebook, là. La mort de Gottlieb. Moi aussi, hein, c'était mon héros BD quand j'étais plus jeune. Mais Yannick Marcil, c'est un amoureux de la vie. Hein. Faut lui parler pour s'en rendre compte. Amoureux de la société, de l'art, de ce que l'humain peut faire de beau et de bon. Alors, pas étonnant de le voir dénoncer avec ses collègues les méfaits de l'austérité. Ici, c'est un livre très Québec. Là, c'est concret, on se reconnaît là-dedans, facile à lire et à comprendre. On se sert d'exemples clairs qui nous parlent. Il faudrait vraiment vouloir fort, fort, fort pour pas comprendre le livre de Marcil, sérieusement. De fait, l'austérité, ça frappe large, lourdement, en santé, en éducation, dans la culture, les régions, les femmes, les Premières Nations. On fait vraiment le tour. Et c'est ça qui est intéressant parce que on prend la peine de parler de ceux dont on parle moins, là, vraiment. Premières Nations, les femmes, la culture... c'est fascinant. Quand il pose d'ailleurs la question « À quoi sert l'art? À quoi sert le hamburger? » Tu sais, c'est intéressant. Alors l'art c'est des foleries, ça. C'est pas utile. Et l'austérité, ben ça sert à ça, couper dans ce qu'on prétend superflu pour servir d'autres intérêts. Alors là-dessus, Marcil écrit « La plupart des politiques d'austérité suivent ce même schéma. On invoque la nécessité de compression budgétaire pour des raisons de gestion saine des finances publiques. On détruit des institutions ou on réduit des services publics, ce qui ouvre la porte au secteur privé pour prendre la relève d'un État de plus en plus ratatiné, ce qui justifiera ultimement de nouvelles coupes et un transfert au privé, puisque les institutions publiques auront de moins en moins les moyens d'atteindre leurs objectifs. Voilà la dynamique simple d'une privatisation tranquille des services publics. » J'aime bien cette phrase. Il le dit ensuite, « Les mesures d'austérité constituent donc les éléments fondamentaux d'un programme politique, hein, visant la privatisation graduelle des services publics et des institutions de l'État. Les défenseurs de ce projet politique présentent les mesures d'austérité comme si elles ne s'appuyaient que sur des principes de saine gestion des affaires de l'État. Le gouvernement ne fait qu'agir en bon père de famille, comme on disait naguère. Qui plus est, il n'a pas le choix d'agir en ce sens. L'État déplorable des finances publiques réduit sa marge de manœuvre à néant. Le déficit et la dette incontrôlables menacent les générations futures et, si nous n'agissons pas maintenant, nous courons littéralement vers la catastrophe. La réduction des dépenses de l'État et le retour au déficit zéro forment ainsi le credo d'un discours de vérité. » Et c'est bien vrai. Ce discours-là, on l'a entendu comme mille fois. Et il sera entendu encore un autre mille fois, certainement. Donc, ouvrage chaudement recommandé. 11 brefs essais contre l'austérité pour stopper le saccage planifié de l'État. Ça vous prend ça dans votre biblie. Snow around, and yet I go around hearing jingle bells ringing in my ear. Your promise must be Et tant qu'à être dans les incontournables, parlons de la dette du Québec, vérité et mensonge, un must, vraiment. Surtout quand on nous rabat les oreilles sans cesse depuis des années à propos de la foutue dette. Mais il y a beaucoup, beaucoup de charlatans hein, qui parlent de la dette et qui ne la comprennent même pas, finalement, même pas sûr qu'ils veulent la comprendre non plus, parce que c'est assez utile hein, pour le discours politique d'exagérer le poids de la dette pour les mêmes raisons qu'on parle d'austérité, parce que ça force les compressions dans les dépenses, ça force la diminution du rôle de l'État, tu sais, c'est politiquement bien pratique, mais c'est faux. Hein, c'est ce qu'on comprend avec cet ouvrage. Et Claude Vaillancourt et ses collègues font un boulot magistral pour vous le démontrer. Dans le livre, il décortique la dette pour nous prouver que finalement, la dette est sous contrôle. Hein? Je ne vais pas dire que c'est insignifiant, mais c'est sous contrôle, en bas de la moyenne des pays de l'OCDE. Hein? Tiens donc. Eh oui. Alors, prenez le fameux compteur de la dette qui donne volontairement le vertige quand on regarde ça, la gracieuseté du très idéologique et non-objectif Institut économique de Montréal. Une vraie farce, une supercherie, un mensonge complet, une honteuse manipulation. Et la dette n'est pas, comme je vous dis, rien, mais les auteurs admettent que elle n'est pas ce qu'on nous fait croire, tout le moins. Hein, pas du tout. Le compteur de la dette de l'Institut économique de Montréal se sert de la dette brute, répartie chez les seuls contribuables qui paient de l'impôt. C'est une formule qui est, c'est pratique, là. C'est choisi à dessein, ça exagère le poids de la dette et néglige volontairement les actifs de l'État, Hydro-Québec par exemple, qui a une grande valeur, de même que l'ensemble de ce qui constitue sa richesse, qui contribue à son économie de manière positive. Ah ben oui, on manipule le monde. Ah. Et on explique aussi que, soit dit en passant, un État, ça ne se gère pas en bon père de famille. C'est une belle formule, c'est facile à vendre, facile à comprendre, mais ça n'a rien à voir. Bref, dans ce livre-là, on vous déboulonne les mythes bien comme il faut. On replace tout ça avec les bons chiffres, les bonnes méthodes, et on vous explique ce qu'on pourrait faire de mieux, comme sortir la dette de l'ombre et se permettre de savoir exactement ce qu'il en est. Donc, La dette du Québec, vérité et mensonge, rédigé par les auteurs d'Attaque Québec, un bonbon pour comprendre un dossier apparemment aussi complexe. Chestnuts roasting on an open fire. Wonderful song. Jack Frost nipping at your nose. That's the kid. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe helps to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. Old Nick's coming, has it? He's loaded lots of toys and goodies on the sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so we're offering this simple phrase to kids from one to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Oui, à mes questions pertinentes, lequel est le plus long à lire, le plus court? Le plus court, c'est celui de Bernard Maris, l'économiste français, 68 pages, c'est dur à battre. Le plus long que je me suis refarci, c'est Le prix de l'inégalité. Mais attendez que je vous parle du livre de Thomas Piketty. J'achève d'ailleurs, mais j'en ai encore pour quelques semaines. Celui que je ne relirai jamais, ça, je sais pas. Je pourrais dire tous parce que j'aurai probablement jamais le temps de les relire. Mais pas le goût, il n'y en a pas. Parce que, évidemment, je choisis volontairement des livres que j'aime, qui m'ont plu et que je vous recommande chaleureusement. Donc, c'est réponse plate, là, je le sais, là, mais c'est vrai. Singing carols stringing popcorn, making footprints in the snow. Memories, Christmas memories, they're the sweetest ones I know. Cookies baking in the kitchen, cards and ribbons everywhere. Frosty Christmas memories float like snowflakes in the air. We know the joy of waking Christmas morning, the family round the tree. We had a way of making Christmas morning as merry as can be. I close my eyes and see shiny faces of all the children who now have children of their own. Funny, but comes December and I remember every Christmas I've known. C'est magnifique. Et puis, ben, pour finir, mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est le petit bouquin de Bernard Maris, L'avenir du capitalisme. D'abord parce que ça se lit vraiment en un clin d'œil, là. C'est pas long. C'est une belle plume. Comme quoi, il y a de belles plumes qui écrivent sur l'économie. Vraiment, on en présente plusieurs au cours de cette émission. Maris part du début, d'ailleurs. Hein. Ça vient d'où, le capitalisme? Comment on s'est rendu là? Et c'est une approche presque psychanalytique du capitalisme, ce petit livre-là. L'auteur nous dit que le travail est au cœur du capitalisme, la relation violente de domination du capital. Celui qui possède le capital domine naturellement hein, et achète à ses conditions bien souvent la force de travail de celui qui n'a pas ce capital. Il dit aussi qu'il y a une sorte d'esclavage derrière cette idée de travail sans fin. Sans fin parce que l'objectif est d'accumuler toujours plus. La soumission est complète et le but, lui, reste essentiellement frustration, déception, dépression. Hein, vous voyez le lien psychanalytique. Et en effet, c'est frustrant de ne pas atteindre son but. Maris donc constate que le malaise intrinsèque, inhérent, viscéral du capitalisme, c'est la cupidité, la course sans fin au profit, au point de ne même pas prendre le temps de jouir de la vie, de profiter de ce qu'on a. Alors le capitalisme est un patient qui souffre, qui ne va pas bien et pour qui l'avenir n'est pas rose. Maris nous parle de l'avenir du capitalisme en évoquant quelques hypothèses avancées par des économistes, des penseurs. C'est vraiment très intéressant. Il nous parle des sorties possibles du capitalisme. Hein, comment on peut faire autrement? Il parle d'espoir, l'espoir venant d'un homme qui a été froidement et stupidement abattu lors de l'attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015. Oui, c'est lui. Bernard Maris a été assassiné. Et mon coup de cœur, c'est quand même beaucoup l'homme lui-même parce que de savoir que cet homme-là est disparu, un homme de cœur, un économiste humain, capable de parler de ce qui va pas, mais aussi capable de parler du beau et du bon. Je l'avais lu avant, mais cette recherche-là m'a amené à voir et écouter des conférences et des entrevues qu'il a menées. On en trouve tout plein sur le web. C'est un homme qui est éminemment intéressant. Alors, l'avenir du capitalisme, c'est le texte intégral de la conférence qu'il a prononcée à l'Institut Diderot. C'est un tout petit bouquin, 68 pages à peine. C'est court, mais touchant. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Don't you stand there? I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Dans les magasins. Merry Christmas, Frank. Oui. Merry Christmas, everybody. Mm-hmm. Merci, c'est gentil. Donc, pour vous donner maintenant le goût de nous suivre dès janvier, voici un aperçu des livres que je vous présenterai dans le désordre, en fait, pour une liste complète, mais citons quelques exemples. Le Capital au 21e siècle, donc, de Thomas Piketty, le livre qui a le plus fait jaser au cours des dernières années, vraiment. Un livre qui a fait l'histoire de l'inégalité, qui brosse le tableau, le complet du phénomène. On va vraiment s'amuser. De la richesse des nations. Oui, oui. Le fameux livre du fameux père de l'économie moderne, Adam Smith. Je ne ferai pas que lire donc des livres avec lesquels je suis nécessairement d'accord. On va surtout pouvoir parler en connaissance de cause. Hein. J'ai lu ce livre-là et il y a beaucoup, beaucoup à dire à ce sujet. Les grands auteurs de la pensée économique, de Gilles de Staller. On passe les penseurs un par un, avec un résumé clair, limpide, et ça permet de comprendre bien des choses, d'avoir un certain recul par rapport à l'évolution des concepts économiques. C'est très intéressant. Yannick Marcil va nous parler de ça. C'est « Riche qui ne paie pas d'impôts » de Brigitte Alpin, le titre dit tout. J'ai vraiment besoin de détailler. « Perma-économie » d'Emmanuel Delannoy, c'est « Penser l'économie différemment ». Pour aborder l'économie autrement que par la productivité, le consumérisme, en dépit de ce que ça fait à la terre, à l'environnement, à la santé, à la biodiversité. Un petit livre qui donne de l'espoir, vraiment. Le triomphe de la cupidité de Joseph Stiglitz, ça aussi c'est un titre qui dit tout. La mondialisation de la pauvreté, par moi de titre éloquent, de Michel Chossudovski, oui, bien sûr. Et puis, j'aurai certainement un autre ouvrage de Bernard Maris à vous proposer. Ça, c'est sans compter les livres publiés au Québec qui seront tout nouveaux, dont je ne connais pas encore l'existence. Donc, ce sont pas les bons sujets et les bons livres qui vont manquer en 2017, là. Vraiment pas. Alors c'est tout pour nous en cette année 2016. Je veux remercier toute l'équipe. Merci. Et merci à vous de votre écoute fidèle au cours de l'automne. Et merci à ceux qui viennent butiner de temps à autre. Ça me fait plaisir de vous offrir quelques minutes de plaisir intellectuel, en tout cas, j'espère. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à écouter en balado. L'émission Le Grain de Sable suit à l'instant. En tout cas, c'est supposé. Et ce sont les vacances pour 2 semaines, hein? Bien content de retour le samedi 7 janvier. Donc, bon congé, bonnes vacances, de très joyeuses fêtes à vous et au plaisir de vous retrouver l'an prochain dans quelques semaines. Oh oui, pas dans 12 mois, là. Ben non. Bye-bye.